2 секунды! Быстрее! Раната! Есть кто живой? Dans l'absolu, on aurait préféré pouvoir s'écouter. Dans l'absolu, tomber. Again and again, on the road again, we on perché. Jamais loi, jamais ordonnance de sacrifice donné. Ailleurs. Impossible ailleurs. Impossible ailleurs. Impossible. Impossible ailleurs. Impossible. Un inconnu. Une rencontre. Un risque. Une évidence. Une catastrophe. No wait, no hope. Rhizomatic system, restoring my rhizomatic system, restoring my rhizomatic system, restoring with you, my friend. Mes intuitions. Géolocalisation. Tu sais, tu consens, tu le sais, on te ment, on te ment, on te ment. Certains se réveillent Heureusement, certains arrivent éblouis par la beauté du monde. Blanc, des flashs. Des apparences. Des idéaux. Des éphémères. C'est moins lyrique, moins dansant.